Si un verbe de mouvement est suivi d'un autre verbe, il faut employer « a ». Il faut ajouter « a » entre les deux verbes. Par exemple, « venir » se dit « venir ». Mais pour dire « voulez-vous venir dîner ?», en espagnol, vous direz « voulez-vous venir à dîner ?». C'est-à-dire « quiere » « quiere » venir dîner. « Venir à cenar ?» D'accord. Mais à l'oral, il ne faut pas marquer de pause entre « venir » et « à ». On les prononce d'une traite. « Venira ». « Venira ». Tout comme dans « voy a hacerlo ». Vous ne séparez pas, vous ne dites pas « voy a hacerlo », mais « voy a hacerlo ». Ou là aussi, on avait un « a » qu'il n'y a pas en français. « Boya », qu'on prononce « boya ». Donc, c'est « venira ». Mais seulement à l'oral. À l'écrit, ce sont bien deux mots séparés. « Venir »,« a ». Mais à l'oral, « venira ». Donc, encore une fois, « voulez-vous venir dîner ?»« Quiere venira cenar ?» D'accord. « Venir a cenar », venir dîner. « Quiere venir a cenar ?» Et comment direz-vous « pouvez-vous venir le voir ?»« Puede venir le voir. »« Venir a verlo ?» Très bien. « Venir a verlo. »« Puede venir a verlo ?» Tout ensemble. « Puede venir a verlo ?» Alors, comment dira-t-on « Est-ce que vous pouvez venir le voir avec moi ce soir ?» Puede venir a... Venir a... Puede venir a... Le voir ? Verlo. Verlo, d'accord. Avec moi ? Conmigo. Conmigo, ce soir. Esta noche. Ok, donc encore une fois. Est-ce que vous pouvez venir le voir avec moi ce soir ? Puede. Puede venir le voir. Venir à... Non, venir à verlo. Venir à... oui, verlo, et non pas berlo. Lo est accolé à ber. Ça s'écrit et ça se prononce tout attaché. Berlo. Et à l'oral, on insiste sur ber. Berlo. Oui. Donc, encore une fois... Est-ce que vous pouvez venir le voir avec moi ce soir ? Puede. D'accord. Puede. Venir. Suivi d'un verbe, c'est ? Venir à. Oui, mais il vous faut prononcer venir et à d'une traite. Venir à. D'accord. À l'écrit, ce sont bien deux mots. Hein, mais à l'oral, on les prononce d'une traite. Venira. Venir. Venira. Venir le voir. Venira berlo. Berlo. Berlo. Avec moi. Conmigo. D'accord. Puede venir a verlo conmigo ce soir. Esta noche. C'est ça. Puede venir a verlo. Pouvez-vous venir le voir conmigo avec moi esta noche, ce soir. Puede venir a verlo conmigo esta noche.